Niorza qui te parle. Parce que la vie elle est complexe et dure à la fois. Tu sais ça. Mais c'est pour ça qu'on s'accroche. Non, on ne veut pas sombrer. Pourtant, on ne veut pas sombrer. Ragamuffin soldat. La vie est complexe et dure à la fois, on sait ça. Pour ça qu'on s'accroche, on ne veut pas sombrer. On remplit nos têtes d'espoir et ça ne paie pas. Suffit de voir l'état de l'humanité. La vie, je l'aime même quand elle me déçoit. Tu sais déjà. J'essaie toujours de relativiser et de voir le bon côté des choses. J'essaie de faire de mon mieux. La vie est un combat. Impliqué dans le jeu, ne baisserai pas les bras. Repars plus audacieux, ragamuffin soldat. Même si les erreurs font mal, on apprend ça à chaque fois. Aujourd'hui l'enjeu est de taille, on sait ça. On envisage, on tempère à la limite du faux pas. On s'en sort comme on peut, sortir la tête de l'eau est vital. On est tout dans ce système, ce qu'on respire c'est du butane. Donc on aspire à un monde meilleur, bien plus clément. Un monde où différence ne rime pas avec le mot argent. Un monde où la liberté puisse s'épanouirait ça pleinement. La liberté d'expression, du culte, voire de déplacement. Ça paraît utopique de demander ça. Face à toutes ces vendettas que les dirigeants du monde exercent sur le peuple à tout bas. Regarde le tiers-monde dans quel état. Une survie ne s'émancipe pas. Après l'avoir bien pillé, ils l'ont laissé dans le désarroi. La vie est complexe et dure à la fois, on sait ça. Pour ça qu'on s'accroche, on ne veut pas sombrer. On remplit nos têtes d'espoir et ça ne paie pas. Suffit de voir l'état de l'humanité. La vie, je l'aime même quand elle me déçoit. J'essaie toujours de relativiser et de voir le bon côté des choses. Le message en lui-même est plus facile à dire qu'à appliquer. Bien trop souvent j'ai le seum, pas forcément le recul pour encaisser. L'état nous berne. Depuis le départ de Féka Madoué, mais le peuple n'est pas dupe, il attend juste les hostilités. Réalité, depuis le temps que ça dure, on élabore une stratégie du tonnerre qui se résume en deux, trois accords de guitare ou de piano. Dans nos textes, pas de démagos, vu que la vie est un combat. Sur le ring, je la mettrai KO. Il revient sur le fait que sa complexité nous déstabilise. On tombe dans la drogue et dans l'alcool, parfois on s'enlise, on se déconnecte à tout va. Dans le meilleur des cas, s'aperçoit que la vraie complexité dans ce monde ne s'explique pas. On vit avec ça depuis longtemps, sans tête, c'est pas pour autant qu'on lâche l'affaire, on réitère. Au contraire, on met les pieds dedans. Bien décidé à bouleverser ce monde dans lequel on vit, j'aspire à faire de la musique. Reggae music, une prophétie. La vie est complexe et dure à la fois, on sait ça. Pour ça qu'on s'accroche, on ne veut pas sombrer. On remplit nos têtes d'espoir et ça ne paie pas. Suffit de voir l'état de l'humanité. La vie, je l'aime même quand elle me déçoit. J'essaie toujours de relativiser. Voir le bon côté des choses, c'est dur à faire. La vie est complexe et dure à la fois, on sait ça. Pour ça qu'on s'accroche, on ne veut pas sombrer. On remplit nos têtes d'espoir et ça ne paie pas. Suffit de voir l'état de l'humanité. La vie, je l'aime même quand elle me déçoit. J'essaie toujours de relativiser et de voir le bon côté des choses. Yo man, c'est Junior Zay qui te parle. Tu sais déjà, j'en place une spéciale pour Selecta Marvin, DJ Paka et mon crew team groupé. Looms, Fusdi.